Vous écoutez? La croche-oreille. Alors, salut tout le monde, bienvenue à la croche-oreille sur les ondes de CKRL 89.1 sur le poste et à ckrl.qc.ca sur la toile. Gaëtan Gosselin au microphone, heureux de vous retrouver. Alors, je poursuis cette semaine avec vous l'écoute des nombreux projets qui ont été déposés dans le cadre du concours 60 secondes radio, un concours qui consiste à encourager les nouvelles écritures sonores et radiophoniques dans un format de 60 secondes. Lancé en 2015 par Boris Chassagne, journaliste passionné de radiophonie, le concours connaît encore un succès remarquable dont Boris nous raconte les tenants et les aboutissants sur le plan de la création. Vous allez voir une réflexion très intéressante. Ben, j'ai trouvé qu'on avait beaucoup plus d'œuvres, qu'on avait reçu beaucoup plus d'œuvres qui relevaient, d'après moi, de mon point de vue, des arts sonores et non pas de la création radiophonique. Et je me suis demandé, qu'est-ce qui fait de la création radiophonique ce qu'elle est par rapport au sound art, par exemple? Ou à la musique électroacoustique, ou à la musique expérimentale, ou au collage, je ne sais pas, en tout cas. Qu'est-ce que c'est une œuvre de création radiophonique? Puis sais-tu quoi? Chaque année, on distribue l'ensemble de ce qui est produit dans différentes radios de par le monde, que ce soit en Espagne, au Chili, en Argentine, en France, etc. Cette année, notre premier diffuseur a été notre second diffuseur, a été John Panter de la radio Diffusion 91.9 FM en Australie, qui est une radio web, et puis de temps en temps un peu pirate aussi, Étienne Pirate. On a arrangé la diffusion, il m'a prévenu que c'était le week-end dernier qu'il allait diffuser l'ensemble des œuvres en rotation pendant 24 heures. Et puis, je m'y suis mis à les écouter dans mon lit le soir, comme j'écoutais dans le temps la radio, dans le noir. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. Et puis, je me suis rendu compte, sais-tu, qu'il peut y avoir une confusion des genres. C'est que l'art sonore, le sound art, la création radio, le théâtre radio, la poésie sonore, tout ça est devenu, de par son mode de transmission et le moment de l'écoute, de l'art, de mon point de vue, de l'art radiophonique. C'est-à-dire que tout pouvait se prêter à une intention de création faite pour le médium de la radio. Merci Boris, une réflexion vraiment féconde. Bon, cela dit, je vous propose la suite de l'émission de la semaine dernière, l'écoute des projets sonores présentés dans le cadre de l'édition 2025 du concours 60 secondes radio. Et on débute ça avec une création de Milo Masonici. Thank you. Pour se jouer 840 fois de suite ce motif, il sera bon de se préparer au préalable et dans le plus grand quiet par des immobilités sérieuses. Pour se jouer 840 fois de suite ce motif. Pour se jouer 840 fois de suite ce motif. Pour se jouer 840 fois de suite ce motif. Pour se jouer 840 fois de suite ce motif. Pour se jouer 840 fois de suite ce motif. Pour se jouer 840 fois de suite ce motif. Pour se jouer 840 fois de suite ce motif. Pour se jouer 840 fois de suite ce motif. Pour se jouer 840 fois de suite ce motif. Pour se jouer 840 fois de suite ce motif. Pour se jouer 840 fois de suite ce motif. Pour se jouer 840 fois de suite ce motif. Pour se jouer 840 fois de suite ce motif. Pour se jouer 840 fois de suite ce motif. Pour se jouer 840 fois de suite ce motif. Pour se jouer 840 fois de suite ce motif. Pour se jouer 840 fois de suite ce motif. Pour se jouer 840 fois de suite ce motif. Des poissons, des requins, des baleines, des belugas. On voit aussi des coquillages, des requins, des requins-baleines, puis des requins marteaux, des étoiles de mer, des corails, les pieuvres, des méduses, des animaux sauvages, des anguilles, de l'eau, des roches de mer, coquillages, des algues, des bébés pieuvres, la baleine à bosse, des méduses, il y a la baleine normale. On voit plein de choses. Sac Ziploc. Du plastique. Sac plastique. D'un auto, dans le fond de l'eau, des batteries, à des parties de bateaux. On va trouver des cartes de crédit. Tampons, on va trouver des trucs en styromousse. Des mégots de cigarettes. La panoplie. Des emballages. Du plastique. Des petits bouts d'emballage. On fonce dans un mur de briques à 100 000 à l'heure quand on va commencer vraiment à mettre réellement les freins. Thank you. Fréquence de résonance. Un pont suspendu. C'est le seul endroit où les soldats n'ont pas le droit de marcher au pas, sinon le pont peut s'effondrer à cause de la fréquence de résonance. Par métaphore, voilà des gens qui ont fait un pas de côté pour traverser un pont. Par exemple, Gisèle. Quand j'ai commencé à travailler, mon premier job, c'était un éditeur musical. Qui ajoute ? C'était la première femme ingénieure du son en studio en France. Et Yann. Je faisais des études sur la littérature française. Qui s'est installée en France. Ou Arnaud. J'ai passé grande partie de mon enfance en Côte d'Ivoire. Et mon premier métier a consisté à créer ces passerelles entre des cultures différentes. Et Christian qui voulait monter mon studio d'enregistrement. Qui était une erreur fondamentale, tout ce matériel ne donne pas le talent. Je me suis mis en quête d'un arrangeur, et aujourd'hui encore, Claude est mon fidèle partenaire dans mes productions musicales. Et continuez, aujourd'hui encore. It's Elaine Reed. I think I might have found Lucas's pacifier on the way home. It looked like the one he had, and it was in the street. Just put it right on up if you, because I'll make corrections then. KBLT. Hello? Okay. Bye. Vous avez passé un bon moment avec nous, on espère vous revoir très bientôt sur nos lignes. need a job. You need a life. Goodbye, my boy. I'm not sure if I'm completely ready for it. A hale and hearty lad like you simply cannot fail. Your money or your life. For what it's worth, welcome to the end of the world. What's happening? Where am I? I don't understand. You're confused, aren't you? You are neither here nor there. That is where you are. I had to go. Go quickly. Leave. Now. Stop it! Wait. Stop this! This is Anna! Doomed! You're all doomed! Thank you. Comenzar la jornada de la vida aprendiendo a darle sentido a las heridas, a los secretos, celebraciones, a los intentos y equivocaciones, acurrucando la lengua materna, averiguando qué más hay cuando respiras. A lo mejor se siente bien expresar, a lo mejor externalizar ayuda a las mentiras. Vi soñando un cambio sin saperlo, ven que si cerco una uscita, si trovo una salita, ven la vida que sembra una fantasía, bo. Adesso sono le parole paterne, braccio lungo che non arriva vicino, bicchiere d'acqua profondo senza lucerne, bottone allentato, budino fuso, benché non so, penso saperlo tutto. Curiously, I find myself continuing a journey of not being the same, con, as they find me to be, chaste, as was inferred, claiming a new language, calming the sense of rebellion, costume, the way I express, costume, the way of this game. Eh bien, voilà ce qui complète la première demi de l'émission consacrée ce soir au projet présenté dans le cadre du concours international 60 secondes radio, édition 2025. Alors, restez des nôtres, on poursuit l'écoute de tout ça en seconde demi. À tout de suite. Vous écoutez CKRL. Vous écoutez ? La croche-oreille. On est de retour, vous écoutez La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL. Alors, je vous propose ce soir l'écoute en continu de projets sonores présentés dans le cadre de l'édition 2025 du concours international 60 secondes radio. Depuis 2015, c'est près de 1500 réalisations radio par autant de créateurs, créatrices du monde entier qui ont été proposés à ce concours international de création radiophonique. Aux yeux de son initiateur et coordonnateur Boris Chassagne, 60 secondes radio fait partie de ces trop rares canaux de diffusion de l'expérimentation radio et sonore. On écoute là-dessus Boris Chassagne. Souvent, je me demande, c'est qu'est-ce qui fait de la création radiophonique ce qu'elle est, tu sais? Et puis, c'est sûr que tu t'en vas en Belgique, tu t'en vas en Allemagne, tu t'en vas en France, aux Pays-Bas, etc. Il y a une longue, longue, longue tradition de création radio. Et je pense de quelque part que les artistes du son, du sound art, des arts sonores, je me suis demandé s'ils ne s'ennuyaient pas non plus de déboucher, s'ils étaient en peine de déboucher, en mal de déboucher de diffusion. Et quand ils voyaient une occasion comme celle-là, que ce concours de création radiophonique, ils se sont dit « Ah, hein, peut-être qu'on a une chance, peut-être qu'on peut se faufiler là-dedans. On se rejoint peut-être un peu quelque part. » Et c'est vrai dans la mesure où... C'est vrai au moment de la diffusion. C'est vrai au moment de leur parution dans un médium, de leur insertion dans un médium qu'est la radio. Qu'elle soit web, qu'elle soit hertzienne, qu'elle soit numérique, peu importe, je pense qu'il y a, il y a le geste radiophonique dans la création radiophonique. Et c'est ce geste-là, je pense, qui peut passer, quelle que soit la discipline d'où on vienne. Moi, je suis un électroacousticien, il y a un concours de création radio, je veux créer une œuvre pour ce concours de création radiophonique, sachant qu'elle sera diffusée sur les ondes ou dans une radio, je pense peut-être que tout peut passer. Alors, dans la suite des projets diffusés la semaine dernière et puis en première demi d'émission aujourd'hui, j'enchaîne immédiatement et sans interruption avec des projets soumis dans le cadre du concours 60 secondes radio, édition 2025. Alors voilà, bonne écoute. Thank you. Peonies have grown 3 feet in as many months. An elderly man up on the mountain woke up early this morning to cut a bouquet. He arranged them in a vase the way he can't seem to arrange his thoughts, he said. The sun stopped in the sky for several hours this afternoon, and no one noticed. The train rolled into the station 3 hours late, and no one noticed. The crows in the pine trees stayed up all night arguing. Experts speculate they too must be in an election year. The vase full of peonies filled the old man's kitchen with a powdery perfume. He began to get drunk on it. He and the peonies ate pea soup together and listened to the radio. But officials from the fire department say they were not life-threatening. Doors opening. Doors closing. Doors closing. Model, please. Oh, there's a train coming. I see it. E Flottement. Deuxième guerre mondiale. La France collabore avec l'Allemagne nazie à partir du 22 juin 1940. Sur la place de l'Hôtel de Ville, la mairie de Paris. Là, à côté de mon père, une femme pleure en chantonnant « Il était un petit navire ». Elle regardait les armoiries. On y voyait un bateau sur les flots, écrit dessous « Il flotte, mais ne coule pas ». Qui n'avait jamais navigué. Oui, oui. Tones of the soul consciousness create in us a painful landscape, an eternal sunset of what we are. My only real concern, the theme of my inner life. Exclude nothing, exaggerate nothing that is you. Be whole in everything, you will fall you are into the smallest thing you do. The whole moon gleams in every pool, it's our right so high. Me and Gloria have fallen in love since we met. So, we've been best friends since we first met each other. And we were separated when we were in preschool. We were in two separate groups. But now that we're in kindergarten together, we can be together. And we love to play with each other. Today was our first day of kindergarten together. We played a lot of family together. And she's nice. She helped me find my cubby on the first day. And she really looked up to me. And I looked up to her. And that's just how I feel about Gloria. sugar. Oh, honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you. My girl. I did it my way. Hineni, hineni. Hineni, hineni. I'm ready, my lord. We have retractable handles. We have zips. One. We have wheels. We have four wheels on one suitcase. Dave, one of my wheels is broken. Yeah, that one. So it's dragging, yeah. Tu m'as parlé d'exister. queremos ver Michis. De hecho, hemos comprado comida para Michis. Vamos a traer, de hecho ya se están acercando. Vamos a darles unas poquitas. Mira, mira, ya están viniendo. ¡Ay, monos, por favor! Espera, pero... pero es que se me están echando encima. A ver, cuidado. ¡Cuidado! Oye, Michi, ven. Oye, pero no corras. Creo que se me ha quedado el micro. Cuidado. Et bien voilà ce qui complète l'émission de ce soir consacrée aux œuvres présentées dans le cadre du concours annuel 60 secondes radio. Je vous rappelle que l'ensemble des pièces sonores 2025 en candidature pour ce concours sont accessibles en écoute libre sur le site 60secondesradio.com. Vous trouverez ça facilement sur la toile. Alors voilà, quant à moi, je suis de retour la semaine prochaine, 21h, sur les ondes de CKRL pour une autre aventure sonore et la suite des projets 2025 du concours international 60 secondes radio. Au microphone, depuis les studios de CKRL à Québec, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue.